Le soleil éclaire ses cheveux dorés. Le sable est doux, plus doux les baisers que la mer sur nos lèvres a posés. L'automne est venu pour nous séparer. Adieu la mer, adieu nos baisers. Tristement, on a dû se quitter. Elle est loin de moi et mon cœur s'ennuie. Loin, si loin, il ne reste rien qu'une image dans le creux de ma main.